Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Jackie Kennedy. The knowledge of the affection in which my husband was held by all of you has sustained me. All of you who have written to me know how much we all loved him and that he returned that love in full measure. May I thank you again on behalf of my children and of the President's family for the comfort that your letters have brought to us all. Thank you. En septembre 1964, près d'un an après l'assassinat de son mari, Jackie Kennedy remercie tous ceux qui lui ont fait parvenir une lettre de condoléances. Elle souligne à quel point ces lettres l'ont aidée à traverser son deuil en lui rappelant combien son mari était aimé des Américains. Le destin de Jackie Kennedy est indissociable de celui de son célèbre époux et les images de Jackie à la suite de l'assassinat de JFK sont probablement, aujourd'hui encore, les toutes premières qui nous viennent en tête quand on évoque son souvenir. Votre nom de jeune fille est Jacqueline Bouvier. Est-ce que Mr. Kennedy a épousé une Française? Non, je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au 18e siècle. Mais vous parlez un français parfait. J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. Alors, c'est peut-être pour ça. Et quels cours avez-vous suivi à la Sorbonne? J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques. Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy? Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. J'habitais là avec mes parents et il était dans le Congrès. Vous avez accompagné votre mari dans sa campagne électorale? Oui, souvent. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour lui? Je ne fais pas des discours, mais j'aime beaucoup rencontrer des gens, parler avec eux, voyager avec mon mari. C'est la seule façon où je peux le voir. Selon vous, quel est le rôle d'une présidente des États-Unis, puisque vous avez des chances de devenir présidente des États-Unis? Je crois que c'est le rôle de toutes les femmes, d'aider son mari, de le soigner et de l'aider à être le meilleur président possible. Jackie Kennedy, répondant aux questions d'Étienne Laloux à l'émission française 5 colonnes à la une, diffusée le 2 septembre 1960. Pour faire le portrait de Jackie Kennedy, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, Jackie Kennedy, pour, je dirais, pour l'Américain moyen? Évidemment, Jackie Kennedy, c'est encore aujourd'hui une des femmes les plus admirées de l'histoire américaine. C'est également le symbole, une icône de mode également. On pense toujours à Jackie Kennedy, justement, quand on essaie d'imaginer l'élégance d'une première dame. Mais Jackie Kennedy, c'est aussi, et c'est ce qui reste dans l'esprit des Américains, une femme moderne qui avait une vie en dehors de son mari, qui avait des compétences en dehors du travail de son mari, mais qui, en même temps, est une femme de son époque, c'est-à-dire les années 50, qui était discrète, effacée, qui s'intéressait beaucoup aux symboles, qui s'intéressait beaucoup à la dignité de la fonction de président. Et donc, on retient d'elle une femme qui a illuminé Washington pendant un temps très court et qui a apporté cette jeunesse, ce dynamisme à la Maison-Blanche qui manquait depuis très longtemps. Il y a quelque chose d'hollywoodien. Ce qu'elle incarne, vous disiez, l'élégance, tout ça, la mode, une belle femme, une femme qui est aux côtés d'une présence très, très forte, un des présidents qui a marqué ce pays, une fin tragique. Tout ça, ça participe de ce qu'est le mythe, au fond. Le mythe Kennedy, elle fait partie de ça. Et d'autant plus qu'on est à la période où la télévision prend son essor, prend son importance. Donc, ils deviennent tous les deux des icônes, des images, en fait. Et c'est avec la présidence de John Kennedy qu'on va réaliser l'importance de l'image auprès de l'opinion publique. Et donc, Jackie Kennedy va travailler cette image-là et va l'avoir toujours bien en tête. Et elle s'en sert, d'ailleurs. Elle s'en sert très bien. On va le voir un peu plus tard dans l'émission, mais elle fera une visite guidée de la Maison-Blanche à la télé. Là. Elle maîtrise déjà très bien ce médium de la télévision. Dans quelle mesure, cela dit, Jackie Kennedy participe à ce grand renouveau qu'incarne John Kennedy lui-même au début des années 60 aux États-Unis? À nouveau, je vous propose d'écouter Jackie Kennedy, cette fois au micro du journaliste français Pierre Crenès, en mai 1961. Vous savez certainement, madame, que les jeunes filles des États-Unis, un très grand nombre, cherchent à vous ressembler, à se coiffer comme vous, à se maquiller comme vous et à copier vos robes. Qu'en pensez-vous? Je lis ça dans les journaux, mais vraiment, je crois pas que c'est vrai. Quand je me promène, je ne vois pas des filles. Alors vous croyez que ce sont les photographes de presse qui recherchent des jeunes filles qui vous ressemblent? Oui, je crois. Non, je crois quand même que vous avez, en très peu de temps, puisque vous êtes à la Maison Blanche depuis 4 mois, créé un style qui marque la jeunesse américaine, comme le président lui-même a marqué un style. Cette Maison Blanche est absolument méconnaissable. Quand on se promène dans les couloirs, dans les bureaux, services de presse, on rencontre des jeunes gens, des jeunes filles très jeunes, très dynamiques. Il y a une atmosphère très, très différente. C'est bien de s'entourer de la jeunesse. Ça vous donne un peu de force les jours quand on est fatigué. Je dois vous demander, madame, quand le président a fini son travail en fin de journée et qu'il remonte dans ses appartements, parlez-vous politique avec lui? Il dépend. S'il y a quelque chose qui occupe beaucoup, naturellement, nous en parlons. Mais j'aime pas qu'il apporte ses soucis à la maison. Alors si je peux les faire oublier. Donc, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est deux choses, Karine Prémont. La place qu'elle occupe, Jackie, dans le mythe Kennedy. Le journaliste essaie de lui faire dire, mais quand même, il se passe quelque chose, là. Vous faites partie de ce renouveau à la Maison-Blanche. Il y a ça. Quelle place elle occupe dans le mythe Kennedy? Puis, quelle place elle occupe? Elle est très modeste. Est-ce que c'est pour la parade? Est-ce qu'en entrevue... Vraiment, dans les deux extraits qu'on a entendus, c'est une Jackie qui veut se présenter comme la femme derrière son homme, la première dame qui, franchement, décide probablement de la couleur des tapis, mais que ça s'arrête là. Est-ce que son apport est aussi peu important qu'elle a l'air de le laisser entendre? Mais d'abord, sa place dans le mythe, elle est fondamentale parce que, justement, elle sera plus que la femme de... Ouais. Donc, ça va un peu ensemble. Et elle a tout à fait... L'animateur a tout à fait raison de lui parler de sa jeunesse parce que elle répond comme si elle était une vieille dame. On s'entoure des jeunes comme ça pour nous donner un peu de vie, mais... C'est décevant réalité, comme réponse. C'est décevant parce qu'elle a 31 ans quand elle arrive à la Maison-Blanche et c'est elle qui va apporter ce dynamisme-là pour la première fois depuis des dizaines d'années. Il y a des enfants à la Maison-Blanche, des bébés, il y a des fêtes, des soirées mondaines. Elle fait partie de ça, là. Le renouveau Kennedy. Elle insuffle de la vie culturelle à Washington aussi, qui cesse de n'être qu'une ville politique, une ville sérieuse et administrative, et ça devient un lieu de soirée mondaine. On parlait d'Hollywood tantôt, c'est un peu ça. Donc, Jackie Kennedy va, dans ce mythe-là, s'occuper surtout, non pas de la vie politique de son mari ou de la Maison-Blanche, mais de tout ce qui découle de ça. Ouais. Elle va inviter les artistes, elle va inviter les scientifiques, elle va inviter les producteurs de toutes sortes à la Maison-Blanche, justement, parce que ce sont de jeunes gens créatifs, et elle va vouloir décoincer un peu Washington. Mmh. Alors, elle occupe cette place importante. En termes politiques, c'est beaucoup plus qu'être la femme d'eux, encore une fois, parce que elle va conseiller son mari en de nombreuses occasions, bien sûr. C'est elle qui va lui suggérer notamment des lectures historiques, des lectures de classiques aussi, de la littérature, pour qu'il comprenne bien les contextes, pour qu'il comprenne bien les situations qui existent à différents moments de sa présidence. Elle va également travailler à lui dépeindre des portraits détaillés de différents chefs d'État, d'autres dignitaires qu'il aura rencontrés. Justement, elle a un background en littérature. Elle le prépare. Donc, elle a un background en littérature et en histoire. Elle dit qu'elle ne fait pas de discours, mais elle en fait quelques-uns. Elle fait des discours en espagnol à certains moments de la présidence de John Kennedy. Elle parle espagnol. Et elle est informée quotidiennement par son mari durant la crise des missiles, par exemple. Ouais. Donc, il se confie à elle. Il lui demande conseil. Donc, elle va jouer ce rôle qui est d'arrière-plan, bien sûr, parce qu'on rappelle qu'on est au début des années 60, mais néanmoins, elle sera beaucoup plus active que ce qu'elle laisse sous-entendre. Ouais, et de fait, on aurait pu signaler dès le début de l'émission, quand on disait qu'est-ce qu'elle évoque, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui encore pour les Américains, faut pas l'oublier, avec quelques autres, mais très peu, avec, je pense à Eleanor Roosevelt, mais Jackie Kennedy, ça reste, dans l'imaginaire collectif américain, l'une des quelques rares, grandes et significatives premières dames. Oui, parce qu'à part Eleanor Roosevelt et Hillary Clinton de manière plus contemporaine, ben c'est Jackie Kennedy qui nous vient à l'esprit et très peu se rappellent de Mme Nixon ou de Mme Ford ou de Mme Carter, bien qu'elles aient par ailleurs fait des choses. Ouais. Mais les plus visibles, ce sont ces trois-là sans concours. Là. Mm-hmm. Bon, parlons un petit peu de la Jackie d'avant Kennedy. Dites-nous un petit peu de quel milieu elle est issue, à quoi ressemble un petit peu la vie de Jackie avant sa rencontre avec John Kennedy. Jackie Kennedy vient d'un milieu plutôt bourgeois, plutôt aisé, de New York. qu'elle l'a dit, elle est de descendance française par son père et sa mère est de descendance irlandaise. Et sa vie de jeune fille est faite de ce qui se passe dans les milieux bourgeois, des cours d'équitation, de ballet, de conversation. Donc, on la prépare à vivre dans ce milieu-là pour le reste de sa vie. Elle a dit aussi qu'elle avait étudié à l'université, effectivement, et de bonnes universités. Vassar, Sorbonne, l'université George Washington ensuite. Histoire, littérature française essentiellement. Et très rapidement, elle va occuper un emploi au Washington Times Herald pour interviewer la haute société de Washington, prendre des photos, parler de ce qui se passe en ville. Elle va ainsi notamment interviewer le vice-président Nixon, avec toute l'ironie que ça sous-entend, parce que son mari le battra pas longtemps après. Elle va interviewer sa femme, Pat Nixon, également. Elle va suivre le couronnement de la reine Elisabeth II, par ailleurs. Donc, elle a une fonction, une occupation bien précise. Une jeune professionnelle. Une jeune professionnelle. Et elle a été rapidement, brièvement fiancée en 1952. Mais justement, elle a rompu ses fiançailles parce qu'elle disait « Moi, je ne veux pas être une femme au foyer. Je veux pouvoir vivre activement dans la société. » Donc, c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle rencontre John Kennedy en 1952, à l'automne 1952. Et comment ça se passe? Ils se rencontrent à Washington, donc on l'entendait dans l'extrait. Un souper mondain à Washington. Donc, ils se rencontrent là, à ce moment-là... Là, ça va vite. 52, la rencontre. Et en septembre de l'année suivante, ils sont mariés. Donc, ça se passe effectivement très rapidement. Son mari est sénateur depuis peu, lorsqu'elle le rencontre. Il va le soutenir dans ses campagnes subséquentes, évidemment. Ils vont voir leur premier enfant, Caroline, en 1957. Et elle va travailler aux côtés de son mari à ce moment-là. Elle va notamment l'aider pour la publication de son ouvrage Profiles in Courage. Il a reçu le prix Pulitzer pour cet ouvrage-là. Et c'est elle qui va faire le travail d'édition, autrement dit. Et elle deviendra plus tard éditrice. Donc, déjà, on sent l'intérêt derrière ce métier-là. Elle va rédiger quelques discours pour lui quand il est sénateur également. Donc, elle est présente tout le long. Elle ne suivra pas sa campagne en 1960, c'est-à-dire qu'elle elle ne le suivra pas durant sa campagne parce qu'elle est enceinte à ce moment-là. Mais elle va s'occuper, je vous dirais, c'est pour ça qu'on la connaît aussi bien aujourd'hui, parce qu'elle a été très présente malgré tout durant cette campagne. Elle va répondre aux lettres que les gens adressent à son mari. Elle va donner des entrevues. Elle va enregistrer des publicités électorales également pour son mari dans différentes langues. Et elle va écrire une chronique dans un journal, Femme en campagne, justement pour faire un peu l'état de la situation. Et comme elle est très belle, comme elle est très élégante, comme elle est très jeune, on va beaucoup l'utiliser au sein de l'équipe de campagne de John Kennedy. Ouais. On va la mettre à l'avant-scène. On va la vendre, entre guillemets, aux Américains. Parlons un peu du couple Kennedy. Comment décrire la nature de leur relation? On a beaucoup parlé des infidélités de John Fitzgerald Kennedy. Jackie aurait eu les siennes aussi, apparemment. Mais ça se passe comment, cette relation chez les Kennedy? Mais ce sont des personnes qui se voient très peu, effectivement. Mais Jackie Kennedy va quand même être la première dame à avoir un bureau à la Maison-Blanche. Donc, elle va pouvoir, comme ça, être sur les lieux de travail de son mari, pouvoir le rencontrer peut-être plus régulièrement. Dans le quotidien, c'est pas toujours très clair. On a beaucoup de rumeurs, on a beaucoup de biographies romancées. Donc, c'est pas très clair. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faisait chambre à part. C'est le seul couple présidentiel à avoir deux chambres séparées jusqu'au Trump. Actuelle. Donc, ils avaient leur vie. Jackie Kennedy s'occupait beaucoup de différentes œuvres culturelles et scientifiques et artistiques. Donc, elle était très occupée. Lui était très occupé aussi. Il se retrouvait dans les voyages. Elle l'a dit elle-même, justement, dans les extraits qu'on a entendus. Il se retrouvait à ce moment-là. Mais Jackie Kennedy, pendant toute sa vie, a été très profondément attaché à John Kennedy. Ouais. Donc, c'est l'image aussi de ce couple un peu mythique, amoureux, qu'on voit régulièrement. Mm-hmm. Mais c'est difficile de savoir, là, dans leur intimité, évidemment, comment ça se passait, étant donné ses infidélités de part et d'autre. Oui. Vous l'avez un peu évoqué, comme première dame, elle sera importante. Il y aura cette vie sociale et culturelle qui va se graviter autour de la Maison-Blanche à Washington. Le rôle de conseillère qu'elle a, vous le disiez, auprès de son mari, les lectures, le préparer à la rencontre de tel ou tel chef d'État. Mais sur le plan purement du fonctionnement de la Maison-Blanche, elle a aussi des idées, Jackie Kennedy. Elle veut que cette Maison-Blanche soit un petit peu la maison du peuple. Oui. Et elle veut que ce soit un lieu culturel, un lieu historique reconnu. Elle est passionnée d'histoire, carrément. Un musée. Et elle va y arriver. En fait, elle va très rapidement renforcer ce caractère historique de la Maison-Blanche. Elle va régulièrement fouiller dans les tas de meubles et d'objets d'art qui existent à la Maison-Blanche pour redécorer cette maison-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a aussi laissé la tâche à la Première Dame de réaménager la Maison-Blanche quand il y a un nouveau président qui est élu. Mais Jackie Kennedy va faire plus que ça. Elle va former un comité d'experts qui sera chargé de mettre en valeur ces objets du patrimoine, ces objets de la Maison-Blanche, rehausser certaines pièces qui étaient laissées un peu sous la poussière. Et elle va créer la fonction de conservateur permanent à la Maison-Blanche en 1961. Parce qu'elle va dire, ce qu'on a ici, ça appartient au peuple, ça appartient à tout le monde et ça doit être accessible. Elle va également faire pression pour qu'une loi transforme la Maison-Blanche en musée, ce qui sera fait également en 1961. Donc c'est plus que de la déco, là. C'est vraiment... plus que de la déco, c'est la préservation de l'histoire, de la culture américaine. Elle va empêcher la destruction de certains bâtiments historiques également dans le square Lafayette, proche de la Maison-Blanche. Donc elle va vraiment s'intéresser à la conservation de cette histoire. Le 22 novembre 63, John F. Kennedy est assassiné à Dallas, au Texas. Comment réagit Jackie au moment des événements, d'abord, Karine Prémont? Quand on regarde les images de cette période-là, ce qui frappe, c'est son stoïcisme, c'est sa réserve, encore une fois. Évidemment, elle est sous le choc. On peut imaginer une telle chose. En même temps, elle est parfaitement consciente de la violence de ce qui vient de se passer, de la gravité de ce qui vient de se passer également. Alors, ce qu'on voit, son attitude, c'est une attitude de femme qui doit continuer à assurer cette dignité de la fonction. On revient toujours à ça quand on parle de Jackie Kennedy. Alors, elle est là dans l'avion qui ramène le corps de son mari à la Maison-Blanche avec le président Johnson qui prête serment. Et elle est là dans sa robe Chanel tachée du sang de son mari. Et elle n'a pas voulu changer de robe. Mm-hmm. Elle voulait que les Américains voient ce sang. Elle voulait que les responsables voient ce sang pour bien faire comprendre l'importance de ce qui venait de se passer dans la vie des États-Unis. C'est son choix. Parce qu'on voulait qu'elle se change, elle dit non. Elle a refusé. Et c'est comme ça qu'on la voit descendre de l'avion quand ils atterrissent finalement, qu'ils reviennent à Washington. Madame Kennedy est là, vraie, stoïque dans ce grand deuil qui l'accable en ce jour. Le cercueil est descendu de la prolonge d'artillerie et transporté sur la tombe. Les funérailles de John Kennedy, évidemment, qui seront suivies par les États-Unis, mais de par le monde entier, Karine Prémont. Elle sera très, très présente, Jackie Kennedy, dans l'organisation de ses funérailles. De quelle manière et qu'est-ce que ça nous dit sur qui elle est? En fait, ça nous dit justement que c'est une femme qui a beaucoup plus de caractère que ce qu'elle laisse elle-même sous-entendre dans plusieurs de ses entrevues ou dans sa façon d'être. Elle c'est toujours... un moment important. Elle en est consciente. Elle veut contrôler. Elle veut absolument contrôler cette dernière image qu'on aura de John F. Kennedy et d'elle-même. Elle est très bien consciente qu'elle ne peut pas rester à la Maison-Blanche non plus après cet événement. Donc, elle veut jusqu'à la fin contrôler cette image de John Kennedy, mais aussi le souvenir qu'on va en garder, la dignité, encore une fois, je reviens là-dessus, de la fonction, cette image présidentielle, cette image de la dignité de l'Amérique en période de crise. Et elle va vouloir orchestrer les derniers moments de son mari. Et c'est vraiment orchestré, mais d'une manière maniaque. Dans cette grande entreprise d'orchestration, il y aura ces quelques entrevues qu'elle va donner à la suite de la mort de son mari. Elle n'en reparlera plus jamais après ça, mais il y a quelques entrevues importantes qui seront données dans les semaines, les mois qui suivent. Quelle image elle veut transmettre, elle veut laisser de son mari dans ces entrevues qu'elle va donner? Encore une fois, celle d'un homme que le peuple aimait, que les Américains aimaient, qui aurait fait de grandes choses advenant sans ce coup de sort, évidemment, et quelqu'un qui était au service des Américains. Donc, encore une fois, elle veut que le nom de Kennedy, que le nom de John F. Kennedy reste un symbole de leadership, de confiance et de courage également. Et elle va beaucoup mettre l'accent sur la personnalité de John Kennedy, qu'il faut garder en mémoire, dont il faut se souvenir. Une grande promesse qui s'est terminée par une tragédie et qui aura transformé l'Amérique pour toujours. C'est souvent ce qu'elle sous-entend dans ses entrevues. Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient tout de suite après la mort de son mari, dans les mois, les années qui suivent? Qu'est-ce qu'elle devient, Jackie Kennedy? Évidemment, dans les premiers mois, dans les premières semaines après le drame, elle reste à la Maison-Blanche, mais elle sera évincée avec ses enfants quand même assez rapidement parce que Johnson s'y installe avec sa famille. Et après quelques mois, elle va retourner à New York. Elle trouve qu'à Washington, elle est l'objet de trop de curiosité. Elle craint aussi pour la sécurité de ses enfants, pour sa sécurité elle-même. Elle a longtemps pensé que les tueurs étaient pour s'en prendre à elle ou à ses enfants. Elle a confié à des amis, à un prêtre, à quel point elle était tourmentée, troublée par cette pensée-là. Elle a songé au suicide beaucoup aussi pendant les mois qui ont suivi. Elle se sentait complètement désemparée. Elle est veuve à 34 ans. Sa vie qui était parfaitement dessinée jusqu'à maintenant prend un tour complètement différent. Mais elle va très rapidement trouver du réconfort dans la vie culturelle, la vie artistique de New York. Elle va s'impliquer d'abord dans la construction de la bibliothèque présidentielle de John Kennedy. Elle va le faire de façon aussi intense que lorsqu'elle a dirigé les funérailles de son mari. Elle va aussi participer notamment à la création de la Kennedy School of Government de l'Université Harvard, également, mais elle va rapidement s'intéresser à la revitalisation de la ville de New York, la station de train, par exemple, le Central Park. Donc, elle va tenter de sauver, encore une fois, des monuments du patrimoine et elle va s'intéresser beaucoup, encore une fois, à la vie culturelle et artistique de New York. Elle en sera un symbole là, pendant de nombreuses années. 1968, grand coup de tonnerre dans le ciel. Jackie Kennedy qui décide d'épouser le milliardaire grec Aristote Anassis. Ça va lui attirer de très nombreuses critiques. Aux États-Unis, comment les Américains vont réagir, Karine Prémont, à cette nouvelle du mariage de Jackie Kennedy à Aristote Anassis? À peu près de la même façon. Ouais. C'est un scandale pour les Américains aussi. D'abord parce que Jackie Kennedy est et sera toujours une Kennedy pour la population américaine et pour quelques membres de la famille Kennedy également. Alors, ça a été un choc que ce remariage. Elle s'est remariée avec un non-américain aussi, il faut dire. Alors ça a joué beaucoup. Et très peu de temps après l'assassinat de Robert Kennedy, qui l'a beaucoup soutenu dans les mois qui ont suivi l'assassinat de son frère. Et donc, on a trouvé ça un peu inconvenant de ne pas avoir attendu plus que ça. Et il y a aussi, évidemment, le fait qu'elle se remarie avec un non-catholique. Alors, pour l'Église catholique, c'était également scandale. D'autant plus qu'Onassis n'était pas nécessairement une représentation de la fidélité maritale. Donc, ça a été un mariage qui a été décrié de nombreuses façons et par à peu près tous les Américains. Elle meurt jeune. Elle meurt en 1994 à l'âge de 64 ans, Jackie Kennedy. Qu'est-ce que ça représente, la fin de... probablement d'un rêve, mais quand elle meurt, Jackie Kennedy. C'est exactement ça. C'est la fin d'une dynastie. C'est la fin de Kaamelott. On a souvent parlé de Kaamelott. C'est Jackie Kennedy, d'ailleurs, qui avait utilisé cette expression en disant il y aura d'autres grands présidents, mais il n'y aura plus jamais de Kaamelott. Donc, c'était une période, une parenthèse dans l'histoire à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. Et à l'administration de la Maison-Blanche. Donc, ce roi Arthur avec ses preux chevaliers qui défendent la veuve et l'orphelin, c'était un peu l'image qu'elle projetait de la Maison-Blanche. Et donc, quand elle s'éteint, c'est la fin pour vrai de Kaamelott, c'est la fin de cette période bénie, heureuse, qu'on a évidemment idéalisée aussi au fil du temps, de ce début des années 60 où les possibilités s'accumulent. Ouais. Et cette mort-là, si jeune, encore une fois, fait partie un peu aussi de la mythologie Kennedy, parce qu'on meurt jeune chez les Kennedy, de près ou de loin, directement ou indirectement lié à cette famille-là. Et Jackie va également aller dans ce sens. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.